Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Arc-en-Ciel. Il est 14h, passé de 7 minutes, vous êtes bien dans l'émission Côté Association, l'émission numéro 39. Et aujourd'hui, je reçois Marina Sadani de l'association Des Rêves pour Yanis. Alors bonjour Marina. Comment ça va aujourd'hui Marina? Ça va très bien, en votre compagnie. Avec un petit peu de perturbation sur la route en ce moment, dans le centre d'Orléans? Oui, il y a beaucoup de travaux et les agriculteurs sont en colère, donc ils sont en plein dans le faubourg Bagné, ça nous impacte aussi, nous, au niveau de la radio, mais bon, pas de problème, on est à l'heure, on est tranquille, on est détendu, on va passer une heure ensemble, on va prendre le temps tranquillement de faire connaissance, et avant on va écouter quelques jingles et après on va reparler de l'association, vous inquiétez pas. Fabien Dumas présente Côté Association, une émission consacrée aux associations locales, le jeudi de 14h à 15h sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Donc l'émission 39 de la saison qui démarre aujourd'hui, jeudi 26 septembre. Pour nous contacter, c'est facile. Si vous voulez poser des questions à mon invité Marina de l'association Des Rêves pour Yanis, c'est facile. Le téléphone de la radio, c'est le 02 38 43 48 00. Vous avez la page Facebook de l'émission, Côté Association l'émission. Et puis vous avez le site internet également de Radio Arc-en-Ciel. Bref, vous ne manquez pas l'information, éventuellement si vous voulez nous contacter. On va passer une heure ensemble. Alors Marina de l'association Des Rêves pour Yanis. Mais avant de commencer, peut-être en quelques mots, Marina, si vous voulez vous présenter aux auditeurs et auditrices d'Arc-en-Ciel, parce qu'on va passer une heure ensemble, donc savoir à qui ils ont affaire. En quelques mots, je vous laisse le micro. Donc je suis Marina, je suis la présidente de l'association Des Rêves pour Yanis. Donc l'association soutient les enfants atteints de pathologies cérébrales via le financement de thérapies qui ne sont pas prises en charge, mais qui donnent des résultats encourageants, puisque le but c'est de rendre autonomes ces enfants. D'accord. On va parler de l'association, mais peut-être en quelques mots. Alors, on va parler clairement. On avait un problème d'ordinateur, donc l'interview est dans l'ordinateur qui est en train de se rallumer. Donc, on va improviser le début de l'émission, mais bon, comme c'est la numéro 39, je pense que ça devrait bien se passer. L'association Des Rêves pour Yanis, l'objet même de l'association, est-ce que vous pouvez présenter un peu l'association même aux auditeurs, sachant qu'on va rentrer dans le détail après, mais il y aura peut-être des redites, mais bon, ça c'est pas très grave. Donc on aide, comme je l'ai dit, les enfants atteints de pathologies cérébrales. On réalise aussi des actions de sensibilisation au handicap et on organise régulièrement des conférences et des ateliers pour parler des thérapies qui ne sont pas prises en charge justement et que peu de personnes forcément connaissent, mais qui donne des résultats encourageants. Ouais. Alors, Des Rêves pour Yanis, j'imagine que Yanis, c'est quelqu'un, hein? Tout à fait. Donc, on peut en parler parce que je pense que c'est ce qui donne peut-être l'origine, la création de l'association. Tout à fait. Yanis, c'est mon petit garçon, qui est polyhandicapé, qui vient d'avoir 3 ans, et qui se bat depuis sa naissance déjà pour vivre et ensuite pour progresser. Qui a contredit tous les pronostics qui ont été faits pour lui depuis sa naissance. Et donc l'idée a été de créer une association pour soutenir bien sûr notre petit garçon, mais aussi d'autres enfants atteints de pathologies cérébrales comme notre petit garçon. Ouais. Et est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la naissance de Yanis, un peu comment ça s'est passé, un peu le rapport que vous avez eu, vous, parents, avec le monde médical, comment l'annonce peut-être s'est faite, parce que c'est pas forcément quelque chose que le monde médical est préparé. Effectivement, l'annonce s'est faite lorsque j'étais enceinte de Yanis. La malformation qu'il a au cervelet a été diagnostiquée in utero. Effectivement, l'annonce en général est très brutale. On nous a annoncé que Yanis ne survivrait pas déjà dans mon ventre et qu'il ne survivrait pas non plus à la naissance. Ouais. Et en fait, il a contredit tous les pronostics puisqu'il il a respiré seul, il a mangé seul. Et c'est un petit garçon qui se bat tous les jours depuis sa naissance. Et malheureusement, il a attrapé aussi une méningite à un mois et demi de vie. Donc c'est surtout la méningite qui est venue aggraver son état. Oui, et son handicap, donc ça, c'est la partie du cervelet qui est impactée. Et ça empêche le langage, ça empêche quoi, la marche C'était quand il a effectivement eu la malformation, c'était trop tôt pour savoir ce que ça pouvait impacter. Mais en fait, c'est pas tant la malformation. Effectivement, ça peut jouer sur l'équilibre, sur la marche, sur la motricité fine. Mais c'est vraiment la méningite en fait qui a aggravé son état, puisque le cerveau de de notre petit garçon avait d'importantes lésions cérébrales. Et à la limite, c'est plus vraiment la méningite qui a, voilà, qui a fait que notre petit garçon est polyhandicapé. Mais il progresse chaque jour grâce aux thérapies de stimulation dont j'ai parlé précédemment. Oui, bah ça, ça fait partie d'une partie de l'émission. Mais ça veut dire que le milieu médical aujourd'hui, dans ce qu'on entend, l'hôpital clinique, l'hôpital public, aujourd'hui, il vous accompagne, il vous aide, il vous conseille. Est-ce qu'il y a des soins qui sont prodigués régulièrement? Il a plus de soins maintenant. Il a eu pendant très longtemps, puisque voilà, à cause de la méningite, il a eu 11 opérations cérébrales. Il a eu de l'épilepsie. Voilà, donc il est suivi maintenant une fois par an pour des contrôles IRM et électroencéphalogramme. Mais sinon, non, voilà, il était sur surveillance et en urgence vitale pendant la première année de vie. Maintenant, il va beaucoup mieux. Donc, ce sont des contrôles réguliers, mais beaucoup moins fréquents. Bien. Le siège social de l'association, parce qu'on est l'émission s'appelle Côté Association. Donc, si on veut se renseigner, parce que j'imagine qu'on va en parler, il y a des événements qui sont organisés, des actions. Le siège social de l'association, est-ce qu'on peut le donner? Éventuellement, c'est coordonné si. Oui, on habite. Oui, c'est rue 8, rue des Saules, à Saint-Jean-le-Blanc. À Saint-Jean-le-Blanc. Très bien. On peut vous contacter via la page Facebook, j'imagine? Tout à fait, page Facebook. Il y a sur le site internet aussi de l'association. Et mon numéro de téléphone est indiqué. Donc effectivement, s'il y a des parents qui souhaitent avoir des renseignements sur les thérapies, des partenaires qui veulent nous aider pour l'association, voilà, mon numéro est à disposition sur Facebook et sur le site internet. Parce qu'il y a aussi un site internet, oui. Tout à fait. Alors, qui est à l'origine un peu de la création de l'association? Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient, j'imagine, tout de suite dans les esprits des parents? Alors, effectivement, c'est plus moi. Mon mari me fait totalement confiance et me soutient dans ce projet, mais effectivement, c'est plus mon initiative. Effectivement, on a réfléchi quand même quelques mois parce que c'était pas forcément évident d'exposer son enfant, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, on a quand même réfléchi. Mais voilà, il y a une volonté aussi de communiquer. Yannis est un petit peu le porte-parole de l'association. Donc, il y a un message derrière à passer. Donc, on a passé ce cap de se dire est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Et puis maintenant, on est vraiment engagé dans ce combat, dans le combat du handicap aussi. Et voilà, maintenant, on ne se pose plus de questions, puisque voilà, Yannis est suivi par beaucoup de personnes qui le soutiennent. Et maintenant, on n'a plus de doute sur le fait d'exposer notre petit garçon. Oui. Alors, sur le site qui est bien fait, on voit que Yannis a des copains, que l'association aide. Comment c'est venu aussi comment on rentre en contact avec d'autres parents qui ont des enfants aussi handicapés? Comment ça se passe? Comme nos enfants ont souvent beaucoup de stimulation, beaucoup de rendez-vous par médicaux ou chez les praticiens, les orthophonistes, les kinésithérapeutes, on est amené à rencontrer beaucoup de familles qui ont les mêmes soucis que nous, avec des enfants polyhandicapés, alors différents handicaps bien sûr, mais du coup on se lie d'amitié puisque le handicap rapproche aussi les parents puisqu'on traverse les mêmes épreuves et du coup au gré de nos rencontres, on s'est lié d'amitié avec des parents, donc on leur a proposé effectivement d'aider les enfants. Et ensuite, l'association se faisant connaître petit à petit, il y a des parents qui nous contactent et du coup qui nous demandent si on peut les soutenir financièrement sur des thérapies. Parce que l'objet de l'association, c'est toutes les actions qui sont menées, c'est pour récolter des fonds pour ensuite financer des thérapies. Bon. Alors, est-ce que vous avez eu un soutien extérieur pour créer l'association? Est-ce que des cliniques ou des praticiens ou des professionnels de la santé vous ont aidé pour peut-être alimenter un peu le contenu? Pas du tout, parce qu'en fait, malheureusement, les thérapies alternatives ne sont pas forcément reconnues par le corps médical. Et du coup, voilà, on a le soutien des thérapeutes qui suivent Yannis et effectivement ses copains. Mais on n'a pas forcément de soutien du corps médical pour le moment. Ça viendra peut-être, pour le moment, non. Et des établissements spécialisés, parce que dedans, il y a aussi des professionnels paramédicaux. Oui. Alors, ils nous soutiennent, ils viennent à nos manifestations, ils relaient effectivement les manifestations. Après, on n'a pas forcément de soutien financier des thérapeutes. Mais ça, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est l'organisation des événements qui nous permet de financer nos projets. Et des associations comme ça qui viennent en aide à des enfants qui ont des maladies rares, il y en a quelques-unes, malheureusement, en France et dans le Loiret précisément. Est-ce qu'il y a des interactions avec d'autres associations pour mutualiser certaines formes ou certaines connaissances ou un réseau par exemple? Est-ce qu'il y a des contacts avec d'autres associations? Moi je pense par exemple à Un Jour Meilleur que j'avais reçu dans l'émission, là, la toute première émission. Voilà, ils font des actions, notamment par la vente de maillots de sport, de sportifs connus, pour aider après à réaliser des rêves d'enfants, d'enfants malades ou handicapés. Mais il y a, peut-être un arc-en-ciel pour Clara aussi, qui est sur Saran. Enfin, est-ce qu'il y a des liens, des interactions? Je connais JN, justement, d'un jour meilleur. Mmh. Après, effectivement, elle, c'est plus les enfants qui sont hospitalisés, qui sont malades. Mais voilà, on est en contact. Si effectivement, on organise justement, là, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais on a un événement ce week-end où il y a plusieurs associations. Moi, mon but, c'est vraiment de travailler en synergie avec les autres associations, puisqu'on a les mêmes, on a la même, les mêmes volontés. Donc, tous ceux qui veulent nous rejoindre pour faire des événements un petit peu plus importants, pour sensibiliser mon handicap, ou, sont les bienvenus. Voilà, moi, mon but, c'est vraiment qu'on travaille. Qu'on fasse des choses en commun pour soutenir le plus d'enfants possible. Bon. Et l'association donc, des rêves pour Yannis, elle se compose comment? Il y a une présidente? Alors, il y a des secrétaires? Est-ce qu'il y a des adhérents? Est-ce qu'il y a des bénévoles? Oui, tout à fait. On a une secrétaire, une trésorière, un vice-président. Et effectivement, on a cette année, on a une trentaine d'adhérents. Et on a des bénévoles aussi qui viennent nous soutenir sur les manifestations. Les bénévoles servent uniquement pour les manifestations ou aussi servent au quotidien peut-être pour de la garde, pour des transports, pour... Non, c'est vraiment uniquement pour l'organisation des manifestations. Voilà, on ne les sollicite pas pour les gardes. Pour l'instant, on se débrouille hein, comme on peut, mais non, c'est vraiment, vraiment pour l'association et pas forcément les enfants à titre individuel. Très bien. Bah, je crois qu'on a déjà bien posé le cadre de l'association. On va écouter un petit morceau, puis on parlera peut-être après des thérapies qui existent. Tout à fait. Hein. Bon, donc on écoute tout de suite un morceau de Pigalle dans la rue du bar tabac sur Arc-en-Ciel. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, il y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Il y a les ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'en voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure ensemble. Ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre on cherche l'oubli d'un parfum. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, certains soirs tout à coup dans un coin on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, y'a des seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici la dope c'est à la poignée, les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre on cherche l'oubli d'un parfum. Tu le vois, on éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, y'a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y'a des voyageurs tristes par-dessus les valises, y'a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, on peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler. À boire. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle. Côté association, le jeudi de 14h à 15h sur Radio Arc-en-Ciel, une émission présentée par Fabien Dumas. Alors on revient avec Marina de l'association des rêves pour Yannis, ça va toujours bien ? Très bien. On vient d'écouter François Di Lazzaro avec son groupe Pigalle, la rue du Bar Tabac. Donc on enchaîne avec ce qui existe aujourd'hui peut-être pour en termes de soins, en termes de thérapie et pour Yanis, mais j'imagine peut-être pour d'autres enfants de l'association. Effectivement, alors il y a des thérapies. Il y a des thérapies qui sont prises en charge, hein, comme l'orthophoniste ou la kinésithérapie, mais effectivement, il y a la plupart des soins que nous faisons à nos enfants ne sont pas pris en charge. D'où l'importance de l'association, pour aider ces enfants, parce que les familles ont des coûts assez importants en termes de thérapie. Ça veut dire que dans le parcours de soins de Yanis, ça représente combien les prises en charge qui sont prises en charge par la sécurité sociale? Par rapport à celles qui ne le sont pas. Pour donner un exemple, Yanis a 9 rendez-vous par semaine chez des thérapeutes. Il y a 4 rendez-vous qui sont pris en charge. Les 5 autres ne sont pas pris en charge. Et là, je ne parle pas des thérapies intensives, parce qu'on a des rendez-vous réguliers dans l'agglomération, mais nous sommes aussi obligés de partir à l'étranger pour. Ou dans d'autres villes. Mmh. Et effectivement, tout ça, ce n'est pas pris en charge, malheureusement. Et ça, comment est-ce qu'on trouve un peu toutes ces thérapies qui peuvent t'aider, Yanis? Parce que vous n'êtes pas médecin de formation? Non, mais on apprend malheureusement à l'être. Parfois, on me dit, on croit que je suis du corps médical parce qu'effectivement, je maîtrise bien le sujet. Mmh. Mais en fait, quand on nous a dit que Yanis avait d'importantes lésions cérébrales et qu'il allait être en état végétatif, on a demandé aux médecins qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour soigner notre petit garçon, et on nous a dit il y a rien à faire. C'est un mot que je ne connais pas. Donc j'ai cherché sur internet. Donc effectivement on peut décrier internet, mais internet m'a sauvé la vie. Hein. J'ai trouvé une mine d'informations et je continue d'ailleurs à trouver une mine d'informations, notamment à l'étranger, au Canada, où on a une vingtaine d'années d'avance malheureusement sur nous en termes de soins et des thérapies qu'on pouvait faire à l'étranger. On est parti, il était tout petit, en Angleterre pour le faire soigner. Parce qu'il n'y avait pas encore en France, maintenant c'est arrivé, heureusement. Et on espère que dans quelques années, il y ait de plus en plus de méthodes qui viennent à nous et qui, on l'espère, soient prises en charge un jour. Mais ça veut dire que les mutuelles remboursent très peu ou pas du tout? Très peu. Alors, qu'est-ce qui existe comme thérapie qui peuvent aider à la stimulation? Alors, on a la thérapie d'écoute selon Tomatis. Donc, on écoute de la musique classique filtrée. On écoute la voix de la maman. Alors, ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est vraiment une méthode qui est très efficace. En fait, on replace un petit peu l'enfant à l'état in utero. On écoute la maman avec des systèmes de filtrage, la voix de la maman. Et en fait, ça recrée des connexions neuronales dans des zones où il n'y avait pas forcément de connexion. Et Yanis, nous, depuis cette méthode, a fait énormément de progrès. Il y a le caisson hyperbare aussi. Donc vous connaissez sûrement le caisson de décompression quand on a un accident de plongée. On réoxygène le cerveau qui a manqué d'oxygène puisqu'on a passé les paliers trop vite. Et en fait, ça aide aussi quand on a des lésions cérébrales, ça revascularise des zones où il n'y avait plus d'oxygène, où le sang ne passait plus. Donc, qui ont eu de l'anoxie, donc ça donne des résultats encourageants. Et ça, c'est des thérapies qui sont lourdes pour l'organisme ou... C'est plus fatigant, mais non, c'est pas. L'enfant est assez passif, hein, contrairement à d'autres thérapies de stimulation que je n'ai pas encore évoquées, mais effectivement, où là, on demande une participation motrice de l'enfant. Là, effectivement, ça peut être fatigant pour le corps, puisqu'on demande au corps de se réoxygéner, en fait, et on inhale aussi de l'oxygène avec un masque. Mais bon, ça travaille énormément le corps, le cerveau, et c'est très encourageant comme méthode. Et donc, dans les thérapies qui sont plus actives chez l'enfant? Alors, on a des méthodes comme la méthode CME, la méthode MEDEC, en fait. C'est la kinésithérapie, c'est une méthode spécifique où là, effectivement, là, l'enfant joue un rôle assez important. On joue sur la gravité, en fait, pour faire progresser l'enfant. Donc là, l'enfant est très actif. Il y a d'autres méthodes comme la méthode Padovan, qui est aussi une méthode de neurofonctionnelle, en fait, de réorganisation. Mmh. Donc, je sais pas, c'est peut-être un peu chinois pour les auditeurs, mais... je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Sur notre site, on explique bien toutes les thérapies, justement, parce que c'est vrai qu'en parlant comme ça de vive voix, les gens ne peuvent pas forcément tout comprendre. Enfin, c'est pas évident. Quand il y a des thérapies qui sont faites à l'étranger, ça veut dire qu'en France, elles ne sont pas forcément autorisées? où elles ne sont pas encouragées. Le caisson hyperbare, quand on est parti à Nice, avait 5 mois, on allait en Angleterre. Il n'y avait pas de caissons privés à l'époque, il n'y avait que des caissons publics dans les hôpitaux. Mais les recommandations mondiales ne tiennent pas en compte l'effet bénéfique du cerveau en cas de lésion. Ce n'est pas encore reconnu, hein, on espère que ça le sera. Mais en tout cas, dans les caissons privés, on est un petit peu plus libre de faire ce qu'on veut. Mais maintenant, il y a des caissons privés depuis un an et demi qui se sont installés en France. Donc maintenant, nous allons à Marseille et on espère qu'il y aura un caisson bientôt qui viendra sur Orléans. On y travaille parce que mon gros projet, ça serait d'ouvrir un centre multithérapie dans quelques années, j'espère, et faire venir ces thérapies ici. Mais ça, quand on est parent et qu'on prend la décision d'emmener son enfant à l'étranger, est-ce qu'il n'y a pas une part de risque ou d'inquiétude à faire ces démarches-là? À l'époque, mon fils était condamné par la médecine, donc je me suis dit, entre la peste ou le choléra, malheureusement, je n'ai pas grand-chose à perdre. Au mieux, je le sauve. Au pire, effectivement, il décède, mais de toute façon, c'était ce qui était annoncé. Donc, on y est allé, effectivement, la boule au ventre, hein, forcément. Surtout quand on fait du trajet en emmenant un petit garçon qui est fragile, mais ça a sauvé son cerveau. Donc quand on voit effectivement après sur l'IRM les progrès et les lésions cérébrales qui se réduisent, on ne peut être qu'encouragé à continuer ces méthodes. Donc là aujourd'hui Yannis a 3 ans. C'est ça. J'imagine qu'on voit les effets depuis le début des thérapies, donc tout jeune à 5 mois. Qu'est-ce qu'on peut voir comme évolution, point positif qu'il peut en retenir. Yannis, maintenant, il commence à tenir assis quelques secondes. Il commence à vouloir faire du rampé. Il commence à dire des petits mots, papa, maman. Il mange aussi seul, puisque beaucoup d'enfants, malheureusement, qui ont eu des opérations ont souvent ce qu'on appelle une gastrostomie. Ils sont nourris directement par l'estomac. Yannis n'a pas de problème pour manger. Il y a de l'interaction. Il communique beaucoup avec nous. Alors, effectivement, pas forcément par la parole, mais il se fait très bien comprendre et les praticiens sont assez étonnés de son état compte tenu de tout son passif médical. Même les médecins qu'il rencontre pour la première fois en lisant son dossier sont assez surpris de son état. Nous, on est convaincus que effectivement l'hyperstimulation commençait très tôt à jouer sur son état actuel. Ça veut dire qu'il faut en permanence, en continu, continuer de stimuler Yannis, quoi. C'est ça. On dit que jusqu'à 6-7 ans, la plasticité cérébrale, elle est optimale. Donc, on a une marge de manœuvre de quelques années. Bon, heureusement, elle est optimale toute sa vie. Sinon, on ne pourrait pas se remettre d'AVC, même quand on est adulte. Mais c'est vrai que le cerveau des petits est quand même malléable. Et il faut jouer vraiment sur l'hyperstimulation pour recréer des connexions neuronales là où il n'y en avait pas. Et du coup, espérer un jour voir nos enfants autonomes. Et est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur ces différentes thérapies? Alors, il peut, effectivement, quand des enfants, pour certaines méthodes, ont de l'épilepsie, en fait, le fait de stimuler le cerveau de façon importante peut provoquer des crises plus rapprochées dans les premiers temps. En fait, c'est les effets secondaires, mais qui sont provisoires. Ensuite, il y aura une amélioration de l'état. En fait, nous, on l'a vu, Yannis avait de l'épilepsie. Effectivement, pour certaines stimulations, il a eu des crises un petit peu plus rapprochées. Mais maintenant, il n'a plus de crises visibles. Au niveau de l'épilepsie, il a un tout petit peu de symptômes épileptiques, mais rien à voir avec ce qu'il avait il y a 2 ans et demi. Donc on poursuit. Je préviens toujours les parents quand ils commencent des stimulations, qu'il peut y avoir des effets provisoires. Oui. Moi, je ne suis pas médecin. Hein, je parle vraiment en tant que mon expérience de maman, de ce que j'ai pu observer chez mon petit garçon. On prévient quand même les parents, hein, les thérapeutes aussi, hein, puisque les thérapeutes ont l'habitude d'avoir des enfants qui ont de nombreuses pathologies très diverses. Et après, les parents le font en connaissance de cause. Ouais. La plupart des parents, enfin des enfants que l'on suit, ont des résultats tellement encourageants que les parents continuent les différentes méthodes. Et est-ce qu'Yannis prend un traitement médical depuis qu'il est né? Il avait un traitement contre l'épilepsie qu'il n'a plus maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres traitements? Non, il n'a pas de traitement. Oui, c'est étonnant parce qu'on pourrait penser qu'il est. Il a eu longtemps des traitements épileptiques, il en avait même plusieurs. Et puis au fur et à mesure, comme je vous dis, l'état de son cerveau s'est amélioré. L'épilepsie aussi s'est grandement améliorée. Du coup, pour le moment, il n'a plus, et on espère qu'il n'en aura pas, de traitement médicamenteux. Bon, et dans la famille, Yannis, il se comporte comment? Parce que j'ai appris qu'il avait une grande sœur. Oui, il a une grande sœur de 5 ans, Inès, qui est en adoration devant son. devant son petit frère, mais qui lui rend bien aussi, hein, puisque ouais. voilà, il est très bon public avec sa grande sœur. Et non, c'est voilà, ils ont de très bons rapports. Effectivement, elle aimerait que, elle me demande souvent quand est-ce qu'il va marcher pour pouvoir jouer effectivement avec elle. Mais on lui dit bah, que c'est effectivement, c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour voilà, en espérer qu'un jour il marche, qu'il court, qu'il puisse jouer avec elle et profiter pleinement de sa vie de petit garçon. Et est-ce qu'il y a des répercussions à l'école avec Inès? Parce que j'imagine que ça peut faire parler, qu'elle parle de son petit frère, mais donc ça peut peut-être aussi faire évoluer le regard des autres enfants ou des instits sur le handicap. Oui, tout à fait. Nous, chaque année, bah là, elle est en grande section de maternelle. Donc nous, chaque année, on a prévenu le corps enseignant en fait, bah, de la situation aussi familiale, puisque voilà, les comportements aussi de notre fille, des fois, peuvent expliquer aussi voilà, le fait de ce qu'elle peut vivre au quotidien. Donc voilà, ils sont attentifs. Hein, mais bon, on a fait suivre notre petite fille assez rapidement par un pédopsychiatre pour voir si effectivement il y avait des conséquences de l'état de son frère qui pouvait voilà, jouer sur son développement à elle. Bon, elle va bien, elle est très équilibrée, donc on a arrêté. A priori, oui. Voilà, on fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'écoute à la maison, que si elle a quelque chose un message à faire passer, on est là, mon mari ou moi. Et puis je pense que voilà, c'est une petite fille qui a une grande joie de vivre, tout comme Yanis d'ailleurs, malgré tout ce qu'il a vécu. C'est un petit garçon qui sourit et rit énormément par jour, deux fois par jour, pardon. Et non, je pense qu'on voilà, malgré le handicap qui est pas facile, on essaye d'avoir une vie de famille la plus équilibrée possible. Ça veut dire qu'on a des moments de famille ordinaires aussi, le moment des repas ou maintenant oui, ou des week-ends, ouais. Maintenant oui, puisque c'est vrai qu'à Nice ça a été très compliqué longtemps, l'alimentation était très compliquée. Maintenant il mange à table avec nous, il est dans une chaise haute. Enfin voilà, effectivement il a le développement d'un enfant qui n'est pas celui d'un enfant de 3 ans, mais on va dire que c'est un grand bébé. Mais non, ça n'empêche pas les balades en famille. On a la chance de pas avoir d'oxygène comme certains enfants ou voilà d'un équipement trop lourd. Donc non, on peut profiter de notre. Oui, notre Il est juste en fauteuil peut-être par moment. Il est en poussette ouais. Pour l'instant et du coup voilà, c'est comme un enfant en bas âge à la limite qui serait en poussette. Non, ça joue pas voilà, sur la vie de famille en semaine forcément parce que c'est la course hein, entre les rendez-vous, l'école. Entre les 9, mais ouais. Les week-ends on essaye de souffler quand on n'a pas d'événement de l'association qui aussi prend quand même du temps l'association. Ben oui. Bon, on va marquer une petite pause musicale si vous voulez bien. On va souffler un peu. On va écouter tout de suite Matthew E. White dans l'émission Côté Association. Tout de suite, c'est parti. Fabien Dumas présente Côté Association, une émission consacrée aux associations locales, le jeudi de 14h à 15h sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Et voilà, on reprend le direct de Côté Association avec une offre d'emploi à vous communiquer aujourd'hui. L'entreprise, une entreprise du bâtiment située sur le bassin d'Orléans recherche un ou une chef d'équipe ravaleur, plutôt expérimenté en peinture de ravalement, qui sait faire également de l'isolation par l'extérieur pour rejoindre une équipe dynamique en contrat CDI à 39 heures. Donc si vous êtes intéressé et si vous correspondez au profil, vous pouvez contacter la radio au 02 38 43 48 00 et nous vous communiquerons les coordonnées de l'entreprise. Voilà, on continue l'émission Côté Association avec Marina de l'association Des Rêves pour Yanis et on va parler un peu de ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer plus tard dans comme actualité, comme projet que l'association a. Donc Marina, par quoi on commence? Alors, j'ouvre le micro, ça sera mieux. Voilà. Par l'exposition solidaire et le tournoi de golf organisé par l'association Arencom. Donc il y a une exposition solidaire qui a lieu au golf de Limer jusqu'à dimanche. Ouais. Et le premier trophée Arencom, donc également au golf de Limer, qui sera dimanche et donc dont les entrées seront reversées à l'association. Alors un trophée Arencom, c'est un trophée de golf en fait. Une compétition de golf. Ouais. Voilà, c'est une compétition de golf. C'est l'association Arencom qui organise pour nous cette belle vente solidaire et ce tournoi de golf. D'accord, et ça se termine donc dimanche? Dimanche, tout à fait. Voilà. Comment ça se prépare à un événement comme ça? Vous êtes joueuse de golf? Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai même jamais pratiqué. Non, c'est l'association en fait qui a décidé, l'association Arencom, hein, pas la nôtre, qui a décidé de soutenir. En fait, ils soutiennent chaque année une association. Et cette année, donc, c'était la nôtre. Et ils nous ont déjà organisé, il y a 15 jours, une vente aussi artistique et solidaire au Château de Saint-Jean-Blanc. Et là, c'est la continuité de cette vente donc, qu'on peut admirer dans le restaurant du golf de Limer. Et on récupère 20% des ventes de chaque toile et chaque œuvre pour l'association. Et on est jeudi, est-ce qu'il y a déjà eu des ventes depuis, ça a commencé donc dimanche dernier? Ça a commencé lundi. Le 22, oui. Oui, enfin ils ont effectivement commencé à installer le dimanche. J'ai pas demandé en fait, j'attends. Ouais. Cela sera la surprise, je préfère attendre la fin de semaine. Et ça, vous avez la main sur les artistes qui exposent? Non, ou pas c'est du tout. Arencom, c'est le réseau Arencom, en fait c'est des artistes qui sont membres de l'association, hein, qui décident d'exposer au profit d'une association caritative. Et donc non, j'ai pas, voilà, mais bon, je connais certains artistes. Et voilà, ce sont tous des artistes au grand cœur et je les remercie chaleureusement. Et le trophée de golf dimanche, le trophée Arencom, il est ouvert à tout le monde? Il est ouvert à tout le public, ou... voilà, débutants, ceux qui pratiquent régulièrement le golf. Non, c'est ouvert à tout le monde, puisqu'il y a différents niveaux de toute façon sur le parcours. Donc, non, c'est ouvert à tout le monde, tous ceux qui veulent soutenir notre association. Et le premier départ se fait à 9h, c'est ça? Tout à fait. Donc, on peut s'inscrire soit sur le site d'Arencom ou directement au golf? Non, c'est directement au golf. On peut s'inscrire jusqu'à samedi. Et à 14h, il y a un Street Art Live? C'est ça, il y a deux artistes en fait qui viennent, Chronique, ouais. Chronique et Isa Zaro qui viennent faire leurs œuvres et les œuvres seront vendues le soir avec une partie reversée à l'association. D'accord, donc ça c'est un beau projet. Tout à fait. Vous avez d'autres pratiques comme ça dans le sport pour Des Rêves pour Yanis, d'autres? Vous avez eu dans le passé pour l'instant, des actions? Pour l'instant non, mais on aimerait bien effectivement peut-être organiser des tournois de football ou d'autres tournois sportifs, voilà, au profit de l'association. C'est en projet, on aimerait bien, en tout cas on y pense, mais il faut l'organiser. Après c'est une gestion, ouais, assez importante, mais s'il y a des personnes qui veulent l'organiser pour nous, elles sont les bienvenues et peuvent nous contacter. Et donc dimanche, il y a aussi un autre projet qui est organisé là par vous aussi. C'est ça, là, c'est la deuxième édition du pique-nique géant solidaire. Donc c'est une journée placée sous le partage. En fait, on organise des spectacles gratuits, des ateliers créatifs. Il y aura une structure gonflable, des jeux, et aussi bien sûr des actions de sensibilisation au handicap, parce que c'est quand même une journée, ouais, de sensibilisation. Donc avec des parcours avec une canne, il y aura les chiens guides aveugles qui seront présents, des parcours en jouellette, et il y aura aussi un flash mob avec des danseurs valides et non valides. Voilà. Alors j'ai vu que sur la page Facebook de Des Rêves pour Yanis, on pouvait déjà voir voir la chorégraphie pour le flash mob. Tout à fait, on a mis, vous avez bien vu, on a mis la chorégraphie pour ceux qui veulent déjà s'entraîner et apprendre la chorégraphie. Bah oui. Et mais bon, si les personnes feront au mieux, voilà, ça sera un moment de partage sur place. Maintenant, on a commandé le soleil, donc on espère qu'il sera présent en principe, pour cette belle journée. Et ça, c'est pareil, c'est à votre initiative, c'est vous qui l'organisez, oui, qui aviez eu l'idée déjà l'année dernière. Oui, l'année dernière, effectivement, on avait fait la première édition qui s'est très très bien passée. Et cette année, on a voulu refaire, mais on a voulu inviter cette fois d'autres associations, comme vous parliez tout à l'heure justement, ouais, travailler en synergie avec d'autres associations, donc d'autres associations liées au handicap, voilà, qui soutiennent un enfant ou plusieurs enfants ou des projets autour du handicap. Et tous les bénéfices de la journée, en fait, seront versés à part équitable entre les différentes associations. Ça veut dire que tous les stands qui vont s'ouvrir ce dimanche, là, la vente de gaufres, de glace. Il y a des parties reversées, effectivement. Mais c'est des gens de l'association Non, c'est des gens qui viennent nous soutenir, des contacts, des amis, des personnes qui ne connaissaient pas, qu'on a démarchées pour savoir si elles souhaitaient faire des spectacles pour nous, des ateliers. Tout ce qu'elles font, elles le reversent Elles le reversent, voilà. Il y a une partie pour certains reversée aux associations, d'autres qui viennent totalement bénévolement dans la journée. Voilà, les ateliers ne sont pas très chers. On fait des ateliers à 2 euros, hein, donc chacun peut venir. Voilà, on n'a pas nécessairement obligé de dépenser beaucoup d'argent ce jour-là, mais des petites sommes. C'est pour les enfants Voilà, c'est ça, pour les enfants. De quel âge à quel âge? Ça peut être des enfants à partir de 2 ans, puisqu'il y a un petit carrousel pour les tout-petits, jusqu'à des enfants de 12, 14. Voilà, il y a des ateliers Montessori pour les plus grands. Les spectacles, il y aura un magicien, il y aura des contes pour enfants, des groupes musicaux. Donc c'est même pour toute la famille, hein, une journée familiale. Alors qu'est-ce qu'il y a comme groupe musicaux? Des Résonances Trio, donc c'est un groupe jazzy, et puis on a un autre trio donc c'est on a un duo Emeline et son mari qui viennent interpréter des chansons de notre enfance de Disney. D'accord. Et puis, ça parle à beaucoup de monde. C'est ça. Et puis voilà, c'est très joli parce qu'elle a une voix magnifique. Ouais. C'est en acoustique. Et on a un autre trio. Alors ils n'ont pas encore de nom, mais voilà, ils viennent parce qu'ils débutent, mais ils viennent soutenir l'association ce jour-là. Et ça, combien de temps ça demande pour préparer un tel événement? Parce que les spectacles, les ateliers, les jeux de la structure gonflable, le petit carrousel, enfin tout ça, ça demande, j'imagine, beaucoup beaucoup de temps à préparer. Oui, ça demande du temps, effectivement, pour l'organisation, pour les horaires aussi des spectacles. Puis après, il y a toute la communication, derrière. Donc ça demande un petit peu de temps, mais bon, je prépare souvent plusieurs événements en même temps. Du coup, c'est difficile de quantifier, mais je sais que ça me prend beaucoup de temps. L'association en elle-même, de toute façon, me prend beaucoup de temps. Parce qu'aujourd'hui, vous ne travaillez plus, vous êtes à domicile. Comme Yannis a beaucoup de rendez-vous, il a 9 rendez-vous minimum par semaine, donc comme mon mari a un travail très prenant, je suis totalement dévouée à mes enfants. Mais ça, c'est une place qui est peut-être aujourd'hui un peu plus reconnue, l'aidant familial, mais qui n'est pas forcément légalisée ou officialisée. On est en train d'y travailler, l'État est en train d'y travailler, puisqu'il y a une proposition là, pour effectivement rémunérer les aidants familiaux. Pour l'instant, moi, j'étais en congé parental. J'ai refait une demande, ce qu'on appelle l'AJPP, c'est des allocations journalières qui sont versées pendant une durée de 14 mois consécutifs. J'attends la réponse. Mais effectivement, se posera la question de l'après. Moi, je suis encore salariée, puisque mon directeur me soutient. J'ai la chance d'avoir du soutien au niveau de... C'est important, oui. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, sont un peu forcées à démissionner, parce que s'occuper d'un aidant, c'est un travail à plein temps. Donc beaucoup, soit passent à mi-temps, soit sont obligés de démissionner. Et c'est vrai que se pose la question de la rémunération à l'avenir. S'il y a effectivement une vraie rémunération des aidants, ça nous permettra de souffler. Moi, j'espère effectivement reprendre mon travail dans quelques années, le jour où Yannis n'aura, on va dire, plus moins besoin, moins besoin de, que moi, et qui pourra surtout aller à l'école et avoir une vie la plus normale possible. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc je reste avec lui, je le stimule et on verra. Chaque jour, on vit chaque jour, un jour après l'autre, parce que c'est déjà pas forcément évident, mais on essaye quand même de se projeter un minimum, mais selon les progrès d'Yannis, ça dépendra de tout ça. Ouais, c'est la boussole de la famille, un peu. C'est ça, totalement. Donc, dimanche matin, on peut aller faire un golf. C'est ça. Et dimanche après-midi, à Limer, à la source. Et dimanche après-midi, on peut aller à la plaine des Martinets à Olivet pour le pique-nique géant, solidaire. Dès midi, vous pouvez apporter votre pique-nique, ou déguster, comme vous l'avez dit, des bonnes... Il y aura des gaufres, des glaces. C'est ça, oui. Et voilà. 29 septembre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'association des rêves pour Yanis a des projets, une actualité brûlante ou quelque chose qui pointe le nez? Alors, on a une exposition photo qui est itinérante, voilà, qu'on a déjà présentée pour la première fois il y a 15 jours au château de Saint-Jean-le-Blanc. Donc, elle va être exposée dans divers lieux de l'agglomération. Elle va, au mois d'octobre, elle sera à Saint-Jean-de-la-Ruelle, à la médiathèque et à la mairie, tout à fait. Et ensuite, elle va aller à la couronnerie, à Saint-Privé-Saint-Mémin. Alors, voilà, on a d'autres lieux en attente de dates, mais bon, l'idée, c'est qu'elle soit présentée dans le plus de lieux possible pour sensibiliser le plus de monde. Donc, c'est une exposition qui regroupe une vingtaine de portraits d'enfants et d'adolescents en situation de handicap. Des portraits photos, tout à fait, qui ont été réalisés par Olivier Parcollet, donc c'est un ami photographe, et avec le partenariat d'Images Photo. Et du coup, voilà, le but, c'est vraiment de montrer que nos enfants ont leur place dans cette société. Qu'il y a des légendes en dessous les photos pour montrer aussi les différents handicaps qui touchent ces enfants. Il y a des handicaps visibles, non visibles. Mmh. Voilà, le but, c'est qu'on passe d'un regard insistant à un regard bienveillant sur nos enfants. C'est sûr, c'est tout le combat de la société aujourd'hui pour une certaine partie de la population. Tout à fait, pour l'inclusion au maximum. Tout à fait. Avant de conclure l'émission, de se quitter, est-ce que je vais poser la dernière question traditionnelle de l'émission à mon invité? Alors là, si un jour, des rêves pour Yanis, votre association devait diversifier ou vos actions, faire autre chose ou de quelque chose qui se rapproche de ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez faire comme action ou... Mon but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça serait d'ouvrir un centre multithérapie. Donc, l'idée, ça serait de prendre en charge les enfants directement dans le centre et pas forcément financer des thérapies un petit peu partout. L'idée, ça serait d'accorder comme un système de bourse, en fait, à des enfants, des thérapies dans le centre. Voilà, ça, c'est un projet, j'y travaille. C'est en parallèle de tous les projets actuels. Mais bon, c'est un projet, effectivement, là, on veut que les collectivités locales s'impliquent dans ce projet. Les équipes médicales aussi, bien évidemment, l'ARS, voilà, donc ça, c'est... Ça demande, d'avoir ça. Un réseau, mais c'est, ça. C'est sûrement très intéressant comme projet. C'est intéressant, puis bon, on commence, là, on a posé la première pierre, on commence à rencontrer des élus, on a des partenaires privés qui seront intéressés pour nous aider, puisque l'idée, effectivement, c'est que la collectivité nous aide, mais il y aura forcément du mécénat privé aussi. Donc, pour le fonctionnement d'un tel établissement, d'une telle structure. L'association, on commence à avoir un beau réseau, donc on est content. Voilà, si on peut être soutenu par tous ces partenaires, je pense qu'on arrivera à réaliser ce beau projet. Enfin, en tout cas, je l'espère. C'est mon rêve. En effet, je crois que c'est un rêve qui doit se compter en années, j'imagine. J'aimerais que ça soit assez rapide. J'aimerais que ça soit un rêve à court terme, parce que oui. C'est vrai que il faut, plus on attend pour Yanis, qu'il puisse en bénéficier tout de suite, qu'on arrête de s'épuiser à aller aux quatre coins de la France ou à l'étranger, et puis pour nous, mais surtout aussi pour les autres familles, il faut stimuler les enfants très tôt. Donc j'aimerais bien que ce projet soit un projet à court terme. C'est tout. Vous reviendrez en parler dans l'émission quand. J'espère. Quand le centre médical ouvrira. J'espère. C'est tout ce je peux vous souhaiter. Marina, un dernier mot avant de se quitter. Merci pour votre soutien. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre accueil. Et si des personnes veulent des renseignements ou nous soutenir, nous sommes à leur disposition. La page Facebook des rêves pour Yanis et le site internet desrêvespouryanis.com. .fr. J'avais une chance sur deux. C'est pas grave, c'est très bien. Eh bien, merci Marina. Bonne fin de journée. Bonjour à Yanis. Merci. Vous ferez un gros bisou de notre part. Et puis, la semaine prochaine, je reçois Florent Barré. On va changer de secteur, on va changer de discipline. On va parler de l'association Le Berry a du cœur. C'est un peu le rocker en du cœur du Loiret. C'est les musiciens qui se mettent qui font des actions, des concerts caritatifs pour des associations. Voilà. On parlera de ça avec lui la semaine prochaine. On écoute tout de suite Bruce Springsteen qui a fêté ses 70 ans cette semaine. Donc, on lui souhaite un bon anniversaire. On écoute tout de suite The River. Après Muse. When darkness falls and surrounds you, when you fall down, when you're scared and you're lost. I'm coming to home.

had a job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream alive that don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. It sends me down to the river tonight. I, down to the river, my baby and I. Oh, down to the river, be right. Surrounded with so many insecurities, backstabbing is like breathing when in poverty. I try to make my sanity with the insane. Got it secondary to most when they scrap for money. But then again, money can cause even more death. When an African turns nigga, step and fetch it all. I just say when price is right, you can buy it. So, well, not me, cause I don't truly give a care about you. I move in poverty and wealth, but I surely move. And syncopated with your beat or your whack ass groove. My breakbeat is to break away from your thing. All these things you put on me makes this brother sing. I need some time to ease my mind. I need some time to ease my mind. I need some time to ease my mind. I need some time to ease my mind. I need some time. I need some time to ease my mind. I need some time to ease my mind. I need some time to ease my mind. I need some time, ease my mind. Mind and soul is even more important than body. Money can put my body in all exotic spaces. Meanwhile, my mind is so remotely dwells within that fine spot between all fucked up and hell. And so I move on with confidence of harmony and do my thing to resist this whack society. Cause if you don't resist, and I mean consciously, you pull your subconscious into accepting it. I ain't accepting it. I keep my focus, I keep my focus. I ain't accepting it. Give me a face pencil to draw a smile on me. Answer my prayer to give my earthly body inner peace. Answer my prayer to give my earthly body inner peace. Until that day upon which my soul's released. Here you go. Oh. I need some time to ease my mind. I need some time to ease my mind. I need some time to ease my mind. I need some time to ease my mind. I need some time to ease my mind. I need some time.

se lève dans le ciel de tes yeux, des lumières du jour qui tachent tes cheveux, des rires qui se brisent pour se laisser pleurer sur des mélancolies. Par l'automne insufflé. Lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela. Aquí no pegamos los ojos. Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos. Mi vida. Pues sí, señor. En sus ojos se veía una infinita tristeza. Down. what's from the earth is of the greatest worth. So before you knock it, try it first. Oh, you see, it's a blessing and it's not a curse. If you don't light my fire, then don't come around, 'cause I'm gonna burn one down. 'Cause I'm gonna burn one. Around the world.